Bonjour et bienvenue à la méditation pour l'enfant intérieur. Commence par trouver une position confortable, assise ou allongée. Ferme les yeux afin de rentrer à l'intérieur de toi. Et ferme la bouche afin de ne respirer que par le nez. Les narines filtrent mieux l'air entrant que la bouche. Et permettent également une respiration plus lente et donc plus sereine. Deviens complètement immobile. La seule chose qui bouge en toi est l'air qui entre et sort de ton corps. Remarque comme l'air qui entre est plus frais que l'air qui ressort de tes narines. Remarque aussi le mouvement de ton ventre qui se gonfle à l'inspiration et se dégonfle à l'expiration. Sans forcer, tâche de ralentir ta respiration de telle sorte qu'elle devienne comme un tout petit filet d'air qui vient te caresser à l'intérieur en rentrant et sortant de ton corps. Progressivement, le filet d'air devient de plus en plus mince, ta respiration de plus en plus lente. Essaye maintenant de ressentir tous les points de ton corps en contact avec un élément extérieur, avec la chaise sur laquelle tu es assis, ou le sol, ou encore ton lit par exemple. Essaye de voir si tu es d'une humeur particulière aujourd'hui, comme si tu inspectais tes émotions de l'extérieur. Si pendant la méditation tu es perturbé par des pensées, des sensations physiques ou bien des bruits, c'est tout à fait normal et c'est pas grave. Quand tu t'en rends compte, ramène simplement ton attention à la sensation tactile de l'air qui entre et sort de tes narines. Selon le philosophe Nietzsche, la maturité de l'homme, c'est d'avoir retrouvé le sérieux qu'on avait au jeu quand on était enfant. Imagine-toi enfant, à l'âge de 5 ou 7 ans par exemple, en train de jouer à un de tes jeux préférés. appelle en toi la sensation de légèreté que tu avais pendant ces moments. Rappelle-toi maintenant ton excitation quand on te donnait ton plat ou ton gâteau préféré. Essaye d'appeler en toi toute la joie que tu ressentais pendant ces moments. Enfin, souviens-toi d'un ou plusieurs moments de ton enfance où tu créais quelque chose, des nouveaux mots, une chanson ou un dessin par exemple. Appelle en toi la sensation d'enthousiasme que tu avais pendant ces moments. En gardant ton attention sur ta respiration, on va maintenant se concentrer sur 6 affirmations pour t'aider à connecter avec ton enfant intérieur. Première affirmation. Je m'aime sans condition et je n'ai pas besoin de m'auto-censurer. Je m'aime sans condition et je n'ai pas besoin de m'auto-censurer. Deuxième affirmation. Je suis quelqu'un de créatif. Je suis quelqu'un de créatif. troisième affirmation. Je prends le temps chaque jour pour regarder, écouter et goûter. Je prends le temps chaque jour pour regarder, écouter et goûter. Quatrième affirmation. Le plus souvent possible, je souris et je dis bonjour aux personnes qui croisent ma route. Le plus souvent possible, je souris et je dis bonjour aux personnes qui croisent ma route. Cinquième affirmation. J'essaye des choses nouvelles le plus souvent possible. J'essaye des choses nouvelles le plus souvent possible. Sixième et dernière affirmation. Chaque jour, je prends le temps de jouer. Chaque jour, je prends le temps de jouer. Pour finir la méditation, Imagine l'enfant que tu étais et visualise-toi lui souriant, le prenant dans tes bras et lui disant que tout va bien se passer, que tu es là pour lui. Quand tu seras prêt, tu pourras ouvrir les yeux pour progressivement sortir de la méditation. Prends doucement conscience de tout ce qui t'entoure, les couleurs autour de toi, les bruits ambiants. Le poids de tes vêtements sur ton corps. Bref, l'instant présent. J'espère que cette méditation t'a été agréable. À bientôt.